الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lundi soir ou hier soir, mercredi soir, na'am, nous avons étudié les piliers de la foi. Et nous avons vu qu'ils étaient au nombre de... Les piliers de l'islam. Et nous avons vu qu'ils étaient au nombre de cinq. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Bouni al-islamu ala khams » L'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq grandes fondations, cinq piliers. « Shahadati an la ilaha illallah » L'attestation qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah. « Wa anna muhammadan rasulullah » Que Muhammad est le messager d'Allah. Nous avons étudié le premier pilier de l'islam. Et nous avons compris que le sens de « La ilaha illallah » était « La ma'bouda bihaqqin illallah » Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et que cette parole comprend deux piliers. La négation dans « La ilaha » l'affirmation dans « Illallah ». La négation de quoi ? La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. L'affirmation de quoi ? L'affirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons également mentionné les sept conditions, les choses qu'il nous faut rassembler et avoir afin de pouvoir tirer profit de cette parole, de la prononciation de cette parole, « La ilaha illallah », qui est la clé du paradis, la clé de la réussite et de la félicité. Ces sept conditions sont la science, la certitude, la sincérité, la véracité, l'amour, l'acceptation et la soumission. Nous avons également expliqué le sens de « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » attester que Muhammad est le messager d'Allah. On doit reconnaître que c'est le serviteur et messager d'Allah, il a été envoyé à l'ensemble des mondes. C'est un serviteur, on ne l'adore pas. Mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas. On doit accepter l'ensemble de ses dires, savoir que c'est la vérité, y croire. On doit lui obéir dans ses ordres, s'éloigner de ses interdits. Et on doit veiller à n'adorer qu'Allah, et cela qu'à la manière dont nous l'a enseigné notre prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Passons maintenant au second pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'accomplissement de la prière. Le deuxième pilier de l'islam, le second pilier de l'islam est l'accomplissement de la prière. C'est le pilier le plus important après l'attestation de foi. C'est la preuve de la foi du serviteur. C'est la preuve qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala véritablement et qu'il se soumet à lui, qu'il lui obéit. C'est l'action la plus aimée chez Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné par Abdullah qui lui dit « Ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala » Quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah le Très-Haut ? Il lui répondit « As-salatu ala waqtiha » Le fait de prier à l'heure. Le fait de prier à l'heure. Aussi, C'est l'ordre d'Allah dans son livre, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Et accomplissez la prière. Acquittez-vous de la zakat. La prière est la preuve de la foi du serviteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man hafaza alayha, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama. Wa man lam yuhafiz alayha, lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yawm al-qiyamati ma'a qaruna wa fir'auna wa haman wa ubay ibn khalaf. » Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui la préserve, elle sera pour lui une lumière, une preuve et un salut, une réussite le jour de la résurrection. Quant à celui qui ne la préserve pas, il n'aura pas de lumière. Ou elle ne sera pas pour lui une lumière, ni une preuve, ni un salut le jour de la résurrection. Mais il sera plutôt avec Qaroun, Fir'aoun, Haman et Ubay ibn Khalaf, les têtes de l'égarement à chaque époque. » Ce hadith, Ibn Baz rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est hassan. Il est rapporté chez l'imam Ahmed selon Abdullah ibn Amr. La prière est la cause du repentir. C'est la cause pour observer la droiture. Celui qui fait la prière, Allah Azza wa Jal le guidera à arrêter les péchés, à se corriger, à s'améliorer, à se réformer. Quel que soit l'égarement dans lequel il était auparavant, quelle que soit la passion qui habitait son cœur, qui attisait ses sens. Allah nous dit dans son livre « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Certes, la prière éloigne des turpitudes et des choses blâmables. Plus la personne fera la prière, plus Allah guidera son cœur et l'éloignera du péché. Cette prière, c'est la séparation entre les gens de l'islam et les gens de la mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La limite qu'il y a entre nous et eux est la prière. Ainsi, celui qui la délaisse aura mécru. Aura mécru. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من تركها فقد كفر. Qui peut agréer, qui peut supporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait qualifié sa personne ainsi. Donc le musulman doit savoir que la prière, c'est la chose la plus importante après l'attestation de foi. Et celui qui est entré en islam doit comprendre qu'il lui faut immédiatement accomplir la prière selon sa capacité et qu'il lui faut au plus vite apprendre ce avec quoi il va pouvoir faire la prière, comme la purification, comme la sourate Al-Fatiha, comme les invocations en inclinaison, en prosternation et ainsi de suite. Donc cette prière a la plus grande importance et très nombreux sont les textes qui nous invitent à la préserver, à la prier dans son temps, à la prier avec concentration et ainsi de suite. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préservez les prières ainsi que la prière médiane. Cette prière, on se doit de se l'ordonner mutuellement. Et particulièrement dans nos familles. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Ordonne à ta famille la prière et sois constant dans celle-ci. Et vous remarquerez, comme l'ont énoncé les savants et on le trouve dans le hadith, que l'ensemble des obligations ont été prescrites au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait sur terre. Exception faite de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala l'éleva vers lui et lui révéla l'ordre de la prière lors de la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné la salat. Il lui ordonna dans un premier temps 50 prières jusqu'à lui alléger au nombre de 5. Elles sont 5 dans le nombre, mais 50 dans les récompenses. Le second, ou plutôt le troisième pilier de l'islam est az-zakat, le fait de s'acquitter de la zakat. La zakat, c'est un droit sur l'argent. La zakat, c'est un droit sur l'argent. Et elle est très souvent citée avec la salat dans le Coran. Zakat, c'est l'augmentation, c'est la purification. Parce que lorsque la personne sort sa zakat, Allah purifie son âme, purifie son cœur, purifie ses biens et bénit ses biens et sa personne. La zakat, c'est une partie des biens des riches qui sont pris et redistribués à leurs pauvres. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad dans le hadith, وَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَّيْلَ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ يعني dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, on nous montre l'ordre de l'importance de ces piliers. On nous dit, إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, tu vas te rendre un peuple des gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Tu vas te rendre un peuple des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation qu'il n'y a point de divinité réellement d'une être adoré si ce n'est Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils t'obéissent en cela, ça c'est le premier pilier de l'islam. Informez-les qu'Allah leur a prescrit 5 prières de jour comme de nuit. Ça c'est le second pilier de l'islam. S'ils t'obéissent dans cela, prends des richesses de leurs riches pour redistribuer cela à leurs pauvres, c'est-à-dire parmi les musulmans. Wa iyyaka wa karam. Karaim amwalihim. Et prends garde afin de ne pas prendre de leurs richesses les plus précieuses. Sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Donc c'est 2,5% des biens de la personne. Une somme minime qui ne nuit pas aux riches, mais assez conséquente pour être utile aux pauvres et découle de cette belle adoration, elles le sont toutes, de grande sagesse et de grands bienfaits. Ça purifie le riche dans ses biens et son argent, augmente la bénédiction dans cela, ça préserve la communauté de certaines maladies comme la haine, comme la jalousie, comme l'envie, comme le vol. Ça concrétise la fraternité et l'amour entre nous. Et ça concourt à préserver les gens de la demande. Ça met à l'abri les gens de la demande de tendre la main. Comment faire pour savoir si on est concerné par la zakat ou non? Il faut savoir quatre choses. La première, ce qu'on appelle un nisab. C'est-à-dire la somme minimale qu'il nous faut atteindre pour être concerné par ce sujet. Ça correspond à 85 grammes d'or. Il faut donc regarder le cours de la bourse. Supposons que 85 grammes d'or fassent en euros 2500 euros. Le jour où tu atteins 2500 euros, tu notes cette date en prenant le calendrier musulman, c'est-à-dire lunaire, et tu regardes le mois dans lequel tu te trouves. Par exemple, si c'est cette semaine que tu as atteint les 2500 euros, tu vas noter le mois de Sha'ban. Nous sommes entrés dans le mois de Sha'ban, le huitième mois de l'année. Tu vas noter le premier du mois de Sha'ban. La deuxième information à savoir, c'est ce qu'on appelle Al-Hawl. Que ça fasse un an lunaire, une année lunaire. Donc l'année prochaine au mois de Sha'ban, à condition de ne pas être descendu en dessous de 2500 euros dans notre exemple, tu vas réunir, tu vas calculer tout ce que tu possèdes. On va supposer que tu avais 2500 euros l'année passée et que cette année, tu en as 5000. La troisième information à savoir, c'est la somme à enlever. C'est 2,5%. Ça revient à diviser par 40. 2,5%. 2,5%. Donc la personne, elle a 5000 euros. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire 5000, ou plutôt elle va sortir 2,5% de ses 5000 euros. Ce qui va lui faire 125 euros s'il fait 5000 divisé par 40. Sa zakat est de 125 euros. Et il fait ça chaque année à la même date, sur la totalité de ce qu'il possède. Que soit l'argent dans sa main, dans sa poche, qu'il a confié à telle personne, gardé chez telle personne ou mis dans son compte, même ce qu'il a prêté, qu'il est sûr qu'on va lui rendre. Voici la zakat. Le point suivant, c'est qui sont ceux qui sont éligibles à la zakat ou qui sont les ayants droit. Allah nous les mentionne dans Ma'adha, dans Suratu At-Tawba. Allah subhanahu wa ta'ala nous les mentionne dans Suratu At-Tawba. Et il nous mentionne 8 catégories de personnes. Il nous mentionne 8 catégories de personnes qui ont le droit à la zakat. Qui ont le droit à la zakat. Ben, tu peux donner à certaines de ces catégories, ou à plusieurs de ces catégories, ou donner tout à une personne, ou diviser ce que tu donnes. Allah nous dit dans Surat At-Tawbah, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَامِرِينَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Donc Allah nous dit l'aumône n'est que pour, ou plutôt as-sadaqat, les aumônes ne sont que pour les pauvres, les indigents, c'est-à-dire ceux qui sont extrêmement pauvres, ceux qui le sont un peu, et on nous mentionne le reste de la liste. Donc on n'a pas le droit de donner en dehors de ces catégories. Nous n'avons pas le droit de donner la zakat en dehors de ces catégories. On ne peut pas donner par exemple la zakat pour construire une école, pour construire une école, et ainsi de suite. Passons maintenant au quatrième pilier de l'islam. Le quatrième pilier de l'islam est As-Siyam, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le 9e mois lunaire, et nous sommes à un mois de Ramadan, presque un mois de Ramadan. Wa nas'alullaha azza wa jal bimannihi wa karamihi an yuballighana Ramadan. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan et de l'adorer comme il lui plaira durant ces mois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le jeûne du mois de Ramadan en l'an 2 de l'Hégire, l'année de la bataille de Badr. Il nous dit dans son livre, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne tout comme il l'a été à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Donc le jeûne a été prescrit par Allah Azza wa Jalla à cette communauté. Parmi ce que nous montre la grandeur du jeûne, c'est que ça a été également prescrit aux communautés avant nous. Et la sagesse du jeûne, c'est d'atteindre la piété. C'est de devenir pieux en faisant ce qu'Allah nous commande, en délaissant ce qu'il nous interdit. Car durant le jeûne, c'est une école, tu t'entraînes à combattre tes passions et tes envies habituelles et tu concrétises l'adoration de l'endurance. Ainsi, en sortant du mois de Ramadan, tu observes cette droiture, cette piété. Avec le jeûne, Allah Azza wa Jal t'efface tes péchés. Il te fait entrer dans son paradis. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi » Celui qui jeûne Ramadan avec foi et espoir se verra pardonner ses péchés passés. C'est le mois du Coran, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la bienfaisance. Le pilier suivant, le cinquième pilier, c'est Al-Hajj. C'est l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a les moyens. Dans Surat Ali Imran, Allah nous dit « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » C'est une obligation sur les gens que d'accomplir le pèlerinage. Bien, c'est une obligation imposée par Allah sur les gens que d'accomplir le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire à la Kaaba, à la Mecque, pour celui qui en a la capacité. Quant à celui qui mécroit, certes Allah se passe largement des montes. Al-Hajj, le pèlerinage, c'est l'école du Tawhid. 5 ou 6 jours durant lesquels le serviteur s'éduque à concrétiser At-Tawhid à travers ses paroles, à travers sa croyance, à travers son comportement. Il s'éduque à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à suivre la sunna du prophète sallam jour après jour. Il va où allait le prophète sallam. Il fait ce que faisait le prophète sallam. Il dit ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam. Il apprend qu'il peut se défaire des biens matériels, de ses habitudes, pour se concentrer et se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il en sort lavé de tout péché. Il en sort plus fort et plus ardent dans sa recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et la dévotion. C'est une obligation, une fois que la personne atteint la puberté, c'est une obligation et il faut l'accomplir au minimum une fois. C'est le pèlerinage de l'islam. Puis c'est recommandé de le faire autant que possible. Puis c'est recommandé de le refaire. Mais l'obligation c'est une fois. Ainsi nous voyons que le pèlerinage est obligatoire une fois dans la vie. Le jeûne du mois de Ramadan, une fois dans l'année. La zakat, une fois dans l'année. Quant au tawhid, la prière cinq fois par jour. Quant au premier pilier de l'islam, c'est obligatoire autant de fois qu'on respire. C'est obligatoire tout le temps. C'est une chose qui est avec le croyant toute sa vie et jusqu'à son décès. Et même dans sa tombe, il répondra aux questions avec cela. Donc voici les cinq piliers de l'islam. Il nous faut les connaître, il nous faut les comprendre et surtout les suivre. Surtout les suivre en les considérant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, nous montre que celui qui préserve ses piliers de l'islam entrera au paradis. Dans le hadith de Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, lorsqu'un bédouin l'a interrogé sur les préceptes de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec ses piliers. Au final, le bédouin a dit « Wallahi la azid ala hada wa la anqus. Par Allah, je n'ajouterai rien à cela, ni n'en diminuerai. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aflaha in sadaq wa fi riwaya dakhal al janna in sadaq. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il entrera au paradis. » S'il est véridique. Dans une autre version, il obtiendra la réussite s'il est véridique. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver sur l'islam et de nous permettre de concrétiser cet islam. Le chapitre suivant que nous allons étudier est Aqsamu al-Shirk. Aqsamu al-Shirk, la division du polythéisme, du shirk. Qu'est-ce que le shirk? Quelles sont les différentes parties du shirk? Quels sont ses exemples? Quelle est la gravité de ce péché? Et y a-t-il un péché plus grave que celui-ci? Al-shirk, mon cher frère, al-shirk, le polythéisme, c'est le contraire du tawhid que tu as compris dans l'explication des piliers de la foi, dans la foi en Allah. On a vu que la foi en Allah, c'était le fait de croire en son existence, en son unicité dans la seigneurie comme étant le seul créateur, le seul maître, en son unicité dans l'adoration, on doit adorer que lui, son unicité dans ses noms et ses attributs, on doit affirmer sa perfection absolue et renier toute ressemblance d'avec ses créatures, ou toute similitude plutôt d'avec ses créatures. Ben sache que le shirk, c'est le contraire de ça. C'est le fait de donner un égal à Allah et un semblable à Allah dans une de ses parties du tawhid. C'est le fait de prendre le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'attribuer à autre que lui parmi ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini le shirk en disant « An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ». C'est le fait d'assigner un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Alors que c'est lui qui t'a créé. Le shirk, c'est le pire péché par lequel Allah fut désobéi. C'est le seul péché qu'il ne pardonne pas, si ce n'est avec le repentir. Le shirk vient à l'encontre de l'obligation la plus importante, at-tawhid. Le shirk a comme conséquence que soit il annule le tawhid de la personne, si c'est le polythéisme majeur, soit il diminue sa perfection, si c'est le polythéisme mineur. Il vient entacher la pureté du plus grand bienfait par lequel Allah t'a comblé. Le shirk, celui qui est dedans, celui qui est dedans, il entre en enfer. Celui qui tombe dans le grand, il s'éternise même en enfer. Donc, c'est la pire des injustices. C'est la pire des injustices. Il nous faut donc la comprendre. Il nous faut la connaître. Pourquoi ? Pour pouvoir l'éviter. Pourquoi ? Pour pouvoir s'en prémunir. Pourquoi ? Pour pouvoir avertir les musulmans contre ce mal. Pour pouvoir protéger nos familles en leur transmettant la science. Pour pouvoir protéger nos proches en leur transmettant cette connaissance. Pour pouvoir avertir les musulmans, car on veut le bien pour eux comme on le veut pour nous. Car on craint le mal pour eux comme on craint le mal pour nous. Et il n'y a pas pire mal que celui-ci. Hudhayfa ibn al-Yaman disait: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. حذيفة بن اليمان, un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم, disait: les gens interrogeaient le messager d'Allah au sujet du bien, les bonnes actions, ce qui fait entrer au paradis. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal, c'est-à-dire ce qui fait entrer en enfer, les péchés, de peur que cela m'atteigne. Donc le prophète a acquiescé cela. Et celui qui lit le Coran verra que dans le Coran, tout comme on nous appelle au bien, on nous avertit contre le mal. Dans sourate al-Fatiha, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dans sourate al-Baqara, ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا. إن الذين كفروا سواء ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Dans le Coran, on nous avertit contre le mauvais chemin, on nous avertit contre le mal, on nous l'expose, on nous le définit, on nous raconte l'histoire des prophètes et comment se sont comportés leurs détracteurs. Tout cela pourquoi, mes chers frères? Pour qu'on connaisse, mais aussi pour qu'on s'en éloigne, qu'on puisse s'en prémunir. Donc, un shirk se divise en deux. Il y a le shirk akbar, le grand, il y a le shirk asrar, le petit. Et attention, on ne l'a pas appelé petit, car il est petit, c'est juste pour faire la distinction dans le jugement. Mais avant cela, quelle est la définition générale du shirk? Un shirk, هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك c'est le fait de donner un égal à Allah dans ce qui fait partie de ses spécificités. C'est le fait de prendre le droit d'Allah et de l'accorder à autre que lui, alors que c'est une chose propre à Allah. Et il se divise en deux. Du point de vue du jugement et des conséquences, il se divise en deux. Al-shirk al-akbar, c'est le polythéisme majeur. Wa kullu shirkin atlaqahu shari' wa kana mutadhamminan li khuruj al-insani 'an dini. Le majeur, le grand, c'est tout polythéisme qui a été mentionné dans les textes et qui a pour conséquence de faire sortir la personne de la religion. Ça a pour conséquence d'enlever, d'annuler la base de sa foi. Ça, c'est le shirk akbar. C'est le polythéisme majeur. Quant au shirk asrar, le polythéisme mineur, وَكُلُّ شِرْكٍ أَطْلَقَهُ الشَّارِعُ وَلَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا لِخُرُوجِ الْإِنسَانِ عَنْ دِينِ. C'est tout polythéisme qui a été mentionné dans les textes, mais qui n'entraîne pas la sortie de la personne de la religion. Ça diminue ou ça touche à la perfection de sa foi, mais ça n'annule pas sa base. Donc il nous faut comprendre ce qu'est le shirk. Il nous faut savoir qu'il se divise en deux et qu'il y a al-shirk al-akbar et qu'il y a al-shirk al-asghar. Maintenant, quels sont les effets? Celui qui tombe dans le shirk akbar, d'accord, Qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura comme conséquence, hubutu jami'il a'mal. Ça va annuler toutes ses bonnes actions. Toutes ses bonnes actions, toutes ses prières, toutes ses années de jeûne, toutes ses, la umra qu'il a faite, le pèlerinage qu'il a fait, les bonnes actions, les bonnes paroles, ça annule tout cela. Deuxièmement, yakhruju min al-milla, il sort de la voie de l'islam. Il n'est plus musulman. Il annule la base de sa voie. Quatrièmement, s'il meurt sur cela, il entre en enfer éternellement et toutes ses actions sont vaines. Cinquièmement, Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne lui pardonnera pas. Sixièmement, il entre en enfer. Septièmement, il s'éternise en enfer. Et il y a encore beaucoup d'autres conséquences. Il y a encore beaucoup d'autres conséquences qu'Allah nous en préserve. Ainsi, on comprend la gravité de ce péché et sa dangerosité. Cette personne qui tombe dans le shirk akbar, il ne peut rester avec la musulmane. Il ne peut hériter du musulman. On ne peut hériter de lui. Et il y a encore beaucoup d'autres conséquences dans la tombe, dans l'au-delà. Même dans ce bas monde, il y a des conséquences. Celui qui vit dans le shirk, il vit avec des troubles psychologiques, psychiques, avec un mal-être quotidien. Il se réveille avec des soucis, il s'endort lorsqu'il s'endort avec des soucis. Écoutons ces passages du Coran qui nous montrent ce qu'est le shirk et sa gravité, qui nous avertit contre ce dernier. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, certes à toi, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets du shirk, toutes tes œuvres deviendront vaines, et tu seras alors du nombre des perdants. Tu seras alors du nombre des perdants. On nous dit également, après ce verset de Sourate Az-Zumar, dans Sourate At-Tawbah, « Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. » Dans Sourate At-Tawbah, il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah en témoignant contre leur propre personne de la mécréance. Cela, leurs œuvres sont vaines et en enfer ils s'éterniseront. Leurs œuvres sont vaines et en enfer ils s'éterniseront. Voici les effets du shirk. Iyadhan billah, qu'Allah nous en préserve. Ce péché est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Dans deux passages de Sourate An-Nisa, Allah nous dit: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Ça, c'est la décision d'Allah. Il ne pardonne pas le shirk, si ce n'est avec le repentir. Et ces gens-là, lorsqu'ils seront en enfer, qu'Allah nous en préserve, reconnaîtront la cause de leur égarement, le shirk. Reconnaîtront cette aberration. Allah nous dit dans le Coran qu'ils diront: Tallahi, in kunna la fi dalalin mubin, id nusawwikum bi rabbil alamin. Dans Sourate Ash-Shu'ara, par Allah, nous étions certes dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous les égales du Seigneur des mondes. Voyons maintenant des exemples du shirk akbar. C'est la pire injustice. Allah dit dans le Coran: Inna shirka la dhulmun azim. Des exemples de shirk akbar, comme le fait d'affirmer avec Allah d'autres créateurs. Comme le fait de dire que tel wali décide de ce qui se passe dans telle contrée du monde avec Allah. Al-shirkul akbar, comme le fait de dire qu'autre qu'Allah peut entendre tout, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, voir et surveiller tout ce qui se fait. Al-shirkul akbar, comme le fait de dire qu'autre qu'Allah connaît les choses de l'invisible absolu. Al-shirkul akbar, comme le fait de donner l'adoration à notre qu'Allah. Comme le fait de se prosterner pour un autre qu'Allah. Comme le fait de sacrifier une bête au nom d'un autre qu'Allah ou pour un autre qu'Allah. Al-shirkul akbar, comme le fait de faire le tawaf autour des tombes. Al-shirkul akbar, comme le fait d'invoquer les morts. Al-shirkul akbar, comme le fait de leur demander l'intercession. Al-shirkul akbar, comme le fait de rechercher la guérison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un mort ou d'un wali. Tout ça entre dans al-shirkul akbar. Passons maintenant au shirk al-asghar, le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur, c'est le péché le plus grave après al-shirkul akbar. Il est même pire que tous les grands péchés. Al-shirkul asghar, on exagère sur la créature. Al-shirkul akbar, on exagère sur la créature, mais sans l'élever au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la considération ou dans le cœur. Al-shirkul al-asghar, c'est un tandid, mais qui est mineur. On donne un égal à Allah, mais on ne le met pas exactement au même niveau. Par exemple, le fait de porter un talisman, le fait de porter des gris-gris, le fait de porter le kitab, toutes ces choses-là que font les marabouts, que font les fqih, que font les charlatans ou les sorciers, c'est du shirk. C'est du shirk. Le fait de prendre ces choses-là pour cause, pour obtenir le bien, pour être préservé contre le mal, ou pour remède, c'est du shirk. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Et si Allah te touche d'un mal, nul ne peut le retirer si ce n'est lui. Comment est-ce qu'un bout de fer, un bout de cuivre, comment est-ce qu'un bracelet au poignet, ou la main de Fatima, ou un talisman, pourrait repousser de toi le mal, ou t'en prémunir, ou te guérir, ou te soigner? لا حول ولا قوة إلا بالله. Seul Allah guérit. Al-Shafi ou Allah, celui qui guérit, c'est Allah. Al-Malik, Al-Mudabbir, le maître. Al-Malik, Al-Mutasarrif Al-Kawm, Al-Ladhi biyadihi azimmatul umur, celui qui dirige tout, celui dont l'ordre tout entier dans sa main, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas porter de talisman, il ne faut pas porter de gris-gris. Il ne faut pas s'accrocher de choses ou accrocher cela à la taille, au cou ou au poignet des enfants. En disant c'est pour les protéger. Non, ça c'est pas la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la voie de l'islam. C'est pas la voie du Coran. Ni même la voie de la raison saine. Ce sont des mauvaises habitudes. C'est un mauvais chemin. C'est du shirk, c'est gravissime. Il faut enlever cela tout de suite. Il faut enlever cela tout de suite pour Allah subhanahu wa ta'ala. En reconnaissant que c'était une erreur. En demandant pardon à Allah et Allah pardonne. Il faut abandonner son affaire à Allah. Il faut avoir confiance en Allah. Il ne faut rien s'accrocher, rien se suspendre. C'est pas ainsi qu'on se protège du mauvais œil. C'est pas ainsi qu'on se protège des maladies. C'est pas ainsi qu'on repousse les maladies. C'est pas ainsi qu'on soigne nos enfants. Mais il faut se diriger vers Allah en faisant ruqya, en lisant le Coran, en faisant dua, en faisant des invocations, en postillonnant sur la personne. Certes, on fait les causes, mais ce qu'Allah nous a permis, tadaou ya ibadallah, wala tadaou bi haram, soignez-vous, serviteurs d'Allah, mais ne vous soignez pas avec l'interdit. Un autre exemple de shirk asrar, dans les paroles, el halifu bi ghayrillah, el yamin, le fait de jurer par un autre qu'Allah, le fait de jurer sur les parents, le fait de jurer sur el amana, le dépôt, le fait de jurer sur la Kaaba, le fait de jurer par notre vie, ça c'est du shirk. Le prophète a dit, من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. Le prophète sallam dit, celui qui jure par notre qu'Allah, certes mécru, est commis du shirk. Le prophète sallam a dit, la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos parents. Celui qui veut jurer, qu'il jure pour Allah, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. ou qu'ils se taisent. Le prophète a dit, ne jurez pas par la Kaaba, mais dites, wa rabbil Kaaba. On ne doit pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un des pieux prédécesseurs a entendu un homme jurer par un autre qu'Allah. Il a pleuré. On lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a dit, n'avez-vous pas entendu? Il a juré par l'amana. Quand tu jures, c'est-à-dire que tu immensifies le nom de celui que tu vas mentionner. Le musulman, il immensifie par-dessus tout qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il jure par Allah où il se tait. Et lorsqu'il jure, il est véridique. Le prophète nous a interdit de jurer par autre qu'Allah. Puis il nous dit, celui qu'il jure, qu'il dise la vérité. Qu'il dise la vérité. Donc on doit se repentir de ça, on doit enseigner ça aux enfants, on doit enseigner ça à la famille. On ne doit jamais jurer par un autre qu'Allah. C'est du shirk. C'est un des pires péchés. Entre dans le shirk ashar le fait de dire « Laoulallah wa ant ». C'est grave. Yani, si ce n'était pas Allah et toi, je n'aurais jamais obtenu telle chose. Si ce n'était pas par la grâce d'Allah et toi, je n'aurais jamais réussi à faire telle chose. On ne doit pas dire ça. On ne doit pas dire ça. On peut dire laoulallah thumma ant, si ce n'était Allah puis toi. Et l'excellence est de dire laoulallah wahda, n'eût été Allah seul. Un autre exemple, le fait de dire ma sha Allah wa shi'it, c'est ce qu'Allah a voulu et toi. On ne doit pas dire et toi. Rasulallah a dit, ne dites pas ma sha Allah wa sha Muhammad, walakin qulu ma sha Allah thum wa bal qulu ma sha Allah wahda. Ne dites pas c'est ce qu'Allah a voulu et Muhammad, mais dites c'est ce qu'Allah seul a voulu. Et dans l'autre hadith, on peut dire ma sha Allah thum ma shi't. Ça c'est permis, c'est ce qu'Allah a voulu puis toi. Parce que ça montre que la volonté d'Allah est suprême et que celle de la créature, elle suit, elle vient après. Mais l'excellence, c'est de dire « Masha Allah wahda » comme dans l'autre hadith. Donc, on fait attention aux paroles. Toutes les paroles qui amènent à mettre sur la langue un égal à Allah, on s'en éloigne parce que ça contredit la perfection du tawhid. On fait attention au shirk. Après avoir expliqué ce qu'est « Ashirk al-Akbar » avec des exemples, puis « Ashirk al-Asrar » avec des exemples, le troisième point qu'on va étudier ici, c'est wujub al-khawf min ash-shirk. L'obligation d'avoir peur du shirk. L'obligation d'avoir peur du shirk. C'est une obligation. On doit avoir peur du shirk. Ça, c'est la voix des, c'est la voix des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Et lorsqu'Ibrahim dit « Ô mon Seigneur, fais de cet endroit un endroit sécurisé. Et éloigne-moi, moi, ainsi que mes enfants, de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles ont égaré bon nombre de tes serviteurs. Bon nombre parmi les gens. Ici, qui est-ce qui fait cette invocation? C'est Ibrahim alayhi salam, celui qui a concrétisé le tawhid, celui qui a cassé les idoles avec sa main, celui qui a appelé au tawhid, celui qui est le père des prophètes après lui. Et quelle est la demande? Il demande à Allah de le protéger, il demande à Allah de l'éloigner de l'adoration des idoles, du shirk évident et apparent, à l'image du Bouddha et autres. Ibrahim alayhi salam a eu peur du shirk alors que c'est Ibrahim, Khalilur Rahman. Un des grands savants chez Tabi'in a dit, il s'appelle Ibrahim al-Taymi, « وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ ba'da Ibrahim. Et qui pourra se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Ajoutez à cela, pour développer cette peur, qu'il nous faut comprendre en fait que le shirk, soit il annule le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné, l'islam, soit il diminue de sa perfection. Soit il annule le tawhid, soit il diminue de sa perfection. Dans tous les cas, c'est grave. Alors on doit en avoir peur, subhanallah. Troisièmement, ce qui nous appelle à avoir peur du shirk, c'est que c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Quatrièmement, ça annule les œuvres. Wala ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Et s'il nous avait donné des associés, tout ce qu'ils ont œuvré deviendrait vain. Ici, on parle de prophètes. Donc, le plus grand bienfait, c'est le tawhid. Ne l'entache pas avec le shirk. Préserve-le en t'éloignant du shirk. Cinquièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur du shirk pour ses compagnons qui sont ceux qui avaient la foi la plus complète, le tawhid le plus parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte l'imam Ahmed, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk asghar, c'est le polythéisme mineur. Il fut questionné à son sujet et répondit, c'est l'ostentation. L'ostentation, le fait de faire pour le regard des gens, le fait de faire en espérant les éloges des gens, embellir son action pour recevoir les éloges des gens. Ça, c'est du shirk. Sixièmement, on a peur du shirk parce que c'est une cause pour entrer en enfer. C'est la plus grande cause pour entrer en enfer. Dans le hadith d'Abdullah ibn Saoud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar » Rawahu al-Bukhari, celui qui meurt en ayant invoqué un égal à Allah entre en enfer. Entre en enfer. Sixièmement, et méditez sur ce point-là et faites une corrélation entre ce texte-là et la situation actuelle, la situation sanitaire actuelle, dans ce pays et dans d'autres. On a peur du shirk parce que le shirk, c'est une pandémie. On a peur du shirk parce que l'épidémie du shirk n'a pas eu de frontières, c'est une pandémie. Ibrahim alayhi salam, une des causes qui a augmenté sa peur, sa crainte du shirk, est que c'est une pandémie. C'est pour cela qu'il dit innahunna adlanna kathiran minan nas. Elles ont égaré beaucoup de gens. Et tout naturellement, lorsque la maladie se propage, qu'elle se répand et qu'elle contamine les gens, parce qu'il y a des gens qui appellent à cela et contaminent les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce que je crains le plus pour vous, ce sont les imams égarés ou égareurs. Al-a'immatu, al-a'immat al-mudillin. Certains appellent au shirk, certains embellissent le shirk, certains propagent les ambiguïtés du shirk. Certains appellent à suivre autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la da'wah tawhid. Le musulman, il médite ce texte et il voit qu'Ibrahim a eu peur du shirk. Une des causes, c'est que beaucoup de gens sont tombés dans le shirk. Donc lorsque tu vois qu'une ou deux personnes sont malades, ou 100 personnes ou 1000 personnes sont malades, tu prêtes attention ou pas. Mais lorsque tu entends que chaque jour, il y a 500 malades en plus, 600 malades en plus, 700 malades en plus, et qu'au début, il y en avait 10 000, puis 20 000, puis 100 000, puis... À ce moment-là, tu as peur parce que c'est une épidémie. Et puis ça dépasse les frontières. Ça n'est pas dans un seul endroit, une seule région, mais ça se propage d'un endroit à un autre. Et ça se déclare d'une région à une autre. Ça devient une pandémie. Alors la crainte est plus grande. La crainte est plus grande. S'il en est ainsi pour les maladies de ce bas monde, comme les virus, comme le coronavirus et autres. Quelle devrait être notre position, quelle doit être notre position face au shirk? Face au shirk qui a plus décimé et qui a plus fait mourir que tout autre virus, toute autre maladie. Car il fait mourir les gens bien qu'ils soient en vie. Il fait mourir les gens et leur corps sert de tombe pour leur cœur. Il fait mourir le cœur. Il fait mourir la vraie vie en prenant autre qu'Allah comme divinité unique. Le serviteur doit avoir peur du shirk parce que beaucoup sont tombés dans le shirk. Ils sont peut-être intelligents. Ils sont peut-être de haute classe sociale, mais ils sont tombés dans le shirk. Donc on a peur du shirk. On a peur d'être touché par le shirk. Et lorsqu'il y a une épidémie, que font les professionnels? Ils cherchent le remède, ils cherchent les causes, ils cherchent comment fuir la maladie, comment s'en soigner, s'en guérir, comment préserver leur famille, leurs proches, leurs enfants. Alors c'est ce qu'on doit faire pour le shirk. C'est ce qu'on doit faire pour le shirk, c'est la pire maladie. On doit s'en prémunir, on doit l'étudier, on doit s'en éloigner, on doit invoquer Allah qui nous en préserve. On doit chercher les remèdes pour ne pas tomber dedans. Et celui qui est tombé dedans, il doit s'en repentir. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La situation du mushrik, elle fait peur. Dans ce bas monde, il vit dans le mal. Certains vivent qu'en prenant des médicaments. Ils ne dorment qu'en prenant des médicaments. Ils sont anxieux. Ils ne sont pas apaisés, n'ont pas la tranquillité du cœur. Ils vivent mal. Leurs relations sociales sont corrompues. Ils ont des soucis dans chaque sphère de leur vie. Ensuite, lorsqu'ils meurent en dehors du bien. Lorsqu'ils meurent, l'ange de la mort vient récupérer l'âme du mouchrik avec les anges du châtiment. Il lui arrache violemment son âme. Lorsqu'il meurt et qu'il est enterré, des anges lui viennent. Il est effrayé et il n'arrive pas à répondre aux questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et quel est ton prophète? Alors il est châtié dans sa tombe. Il est châtié dans sa tombe, matin et soir, au minimum. An-nar yu'raduna 'alayha 'uduwan wa 'ashiya. Ils seront exposés au feu le jour. Et la nuit, ou bien le matin et le soir, il y a les châtiments de la tombe. Ensuite, yom al-qiyama, ils seront sous le soleil. Ensuite, ils seront apeurés, effrayés. Ils seront jetés dans le feu, ils seront humiliés, dévoilés. Dans le feu, ils ne pourront en sortir, ils seront châtiés. Ils espéreront mourir, subhanallah, mais on ne leur donnera pas la mort. Et ils vont demander au gardien de l'enfer, Malik, liyaqdi alayna rabbuk, que ton Seigneur mette fin à nos jours. Qala innakum makithun. Ils espéreront la mort, subhanallah, que dans ce bas monde, ils étaient à la recherche de la vie éternelle. Et la chose qu'ils redoutaient le plus, c'est la mort. Mais devant le châtiment qu'ils ont à cause du shirk, à ce moment-là, ils vont souhaiter la mort. Le mushrik yawm al-qiyamah ne pourra pas espérer le poids d'un noyau de dattes, d'une petite fourmi de miséricorde de la part d'Allah. Le mushrik ne peut espérer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il a commis la chose qui l'a exclu de la miséricorde d'Allah. Le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et le recueil de l'imam muslim, nous mentionne l'histoire du père de Ibrahim yawm al-qiyamah. Que la personne soit le fils d'un prophète, le père d'un prophète, l'épouse d'un prophète, le proche d'un prophète. S'il décède sur le shirk, personne ne pourra rien faire pour lui. C'est pour cela que le prophète sallam nous dit que Ibrahim alayhi salam rencontrera son père Azar yawm al-qiyamah, qu'il y aura sur son visage des yani une noirceur ou bien de la poussière et des mauvaises choses. Et il lui dira: aide-moi. Il lui dira: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Il lui dira: aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Alors Ibrahim alayhi salam s'adressera à Allah. Il s'adressera à Allah et lui dira: « M'as-tu pas promis de ne pas m'humilier ce jour ?» Et quelle humiliation plus forte que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. Alors on lui dira: « Regarde à tes pieds. » Et il verra son père sous forme de hyène. Son père sous forme de hyène. Et il y aura... Il sera ensanglanté, ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis on se saisira de lui par les pattes et il sera jeté en enfer. Allah dit: Inni haramtu al-jannata al-kafirin. J'ai certes interdit le paradis aux mécréants. Donc celui qui meurt dans le shirk, il ne peut espérer entrer au paradis. Il ne peut espérer obtenir de la miséricorde. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur pour les compagnons qui sont ceux qui avaient la foi la plus forte, le tawhid le plus complet. Ils ont témoigné de la révélation, ils vivaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant un jour il vient, il les entend parler de la fitna de l'Messie al-Dajjal, d'un des grands signes de la fin du monde. La pire tentation. Pourtant il leur dit: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum 'indi min al-Masih al-Dajjal. Ne vais-je pas vous informer d'une chose que je redoute encore plus pour vous que le Messie Ad-Dajjal? Qulna bala. Ils dirent: informe-nous. Et lui de dire: Ash-shirkul khafi. Le polythéisme subtil, caché. An yakum ar-rajul yusalli fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajul. Abu Sa'id al-Khudri, comme c'est rapporté dans le cas d'Ibn Majah, nous dit que le prophète leur a dit que ce qu'ils redoutaient le plus pour eux, c'était le shirk, subtil ou caché. Que l'homme se lève, il prie et il embellit ensuite sa prière de ce qu'il ressent comme regard sur lui. Donc on doit avoir peur du shirk, on doit faire attention. L'intention, c'est très difficile. On doit faire attention, on doit surveiller cette intention, on doit agir pour Allah et purifier notre cœur de vouloir autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. On doit étudier, on doit invoquer. Tout cela fait partie des causes pour se protéger. Ces gens-là, alors qu'ils seront en enfer, après avoir vécu dans le shirk, vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala la mort. Ils vont demander un répit. Ils vont invoquer les uns contre les autres. Mais la réponse sera fadhuqu alan nazidakum illa adhab. Invoquez, ou plutôt goûtez, et on ne fera qu'augmenter votre châtiment. Likullin dhi'f, et à chacun on augmentera. Lorsqu'ils vont invoquer les uns contre les autres, ça sera l'augmentation pour l'ensemble. Ça sera l'augmentation pour l'ensemble. Parmi les choses qui augmentent notre peur du shirk, c'est le fait que le prophète sallam lui-même faisait dua pour qu'Allah le protège. Et lui-même avait peur de l'égarement, alors qu'il est préservé par Allah, éduqué par Allah depuis son jeune âge. Dans l'Adab al-Mufrad de Bukhari, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait à trois reprises le matin et à trois reprises le soir, c'est-à-dire après le fajr et après l'asr, en ces termes: Rabb madha Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. Je répète: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre la mécréance et la pauvreté. Ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est toi. Et très souvent, il disait, comme le rapporte l'imam Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah et autres, et Cheikh Al-Albani dit que ce hadith est Hassan, rahmatullah alayhi, Ya muqallib al-qulub, Thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes le cœur, affermis mon cœur sur ta religion. Donc il avait peur, sallallahu alayhi wa sallam. La peur devant le mal et la peur des gens pieux. Et la peur des prophètes, des messagers et de ceux qui ont suivi leur voie. Et l'invocation connue du Coran en sourate Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. Ô notre Seigneur, n'égare pas nos cœurs après nous avoir guidés et fais-nous don de ta part d'une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti la communauté et a informé la communauté que certains membres de la communauté retomberont dans le shirk. Dans le hadith de Thawban, qui est dans le recueil de Abu Daoud et de Tirmidhi ibn Majah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la taqoumu sa'a hatta tattariba ilyad nisa iddaus ala dhil khalasa. L'heure ne retentira pas tant que les femmes de la tribu de Daous ne convergent pas vers dhil khalasa, une idole qui est adorée, une fausse divinité qui est adorée dans la jahiliya. C'est-à-dire qu'ils vont retourner à l'adoration d'autres qu'Allah. Ils vont retourner au shirk. Le prophète sallam a averti. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin. Wa dhira'an bi dhira'an. Dans le recueil de l'imam Bukhari, selon Abu Sa'id, le prophète sallam nous dit « Assurément, vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. » C'est-à-dire les gens du livre. Pourquoi cette information? On sait qu'eux sont tombés dans le shirk. On sait qu'eux ont fait scission avec la voix de leurs messagers. C'est pour nous avertir. C'est pour qu'on fasse attention. C'est pour qu'on se cramponne au Coran, à la Sunna. C'est pour qu'on comprenne la voie sur laquelle étaient les compagnons et qu'on la suive. Hakadha barakallahu fikum. Le shirk, il y a une partie qui est très subtile, très cachée. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La shirku fikum akhfa min dabib al-naml. » L'imam al-Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad selon Ma'qil ibn Yasar que le prophète sallam a dit « Le shirk est plus subtil auprès de vous que les pas de la fourmi. » Que les traces de pas de la fourmi, des empreintes, subhanallah. Et Abdullah ibn Abbas disait que le shirk est plus caché, plus subtil que les empreintes de pas d'une fourmi sur une roche lisse dans la nuit ténébreuse. Subhanallah. Il se peut qu'il y ait une fourmi là dans la pièce sans qu'on ne puisse la voir. Que dire alors de ces empreintes, de ces pas? Que dire alors si c'est la nuit? Que dire alors si c'est sur une surface lisse? C'est pour cela que il faut se diriger vers Allah. Il faut avoir peur du shirk. Il faut l'étudier pour s'en prémunir. Il faut comprendre sa gravité. C'est la pire des injustices. Allah nous a créé, nous a tout donné. Ensuite, certaines personnes prennent l'adoration pour la donner à autre que lui. Ça, c'est l'injustice à l'état pur. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du shirk. Et on invoque, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, اللهم إني أعوذ بك أن أشرك أن أشرك ما أو أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والله on cherche ou je cherche protection auprès de toi afin de ne pas commettre du shirk alors que je ne le sais pas et je te demande pardon. Je reviens sur la traduction. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك An ushrika bika wa ana a'lam. Wallah, je cherche protection auprès de toi afin de ne pas commettre du polythéisme en sachant. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Falas'alullah subhanahu wa ta'ala yaghfira lana dhunubana wa yakaffira anna sayyatina wa yatawaffana ma'al abrar. نسأل الله سبحانه وتعالى يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد ونعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره خفيه وجليه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفي مرضانا ارض المسلمين اللهم اشفي مرضانا ارض المسلمين اللهم اشفي مرضانا ارض المسلمين اللهم ارفع هذا البلاء عنا اللهم ارفع هذا البلاء عنا وادفع عنا هذا الوباء On demande à Allah Azza wa Jal de soigner l'ensemble des malades, de repousser de nous cette pandémie et de faire miséricorde à ceux qui décèdent de cette maladie ou d'une autre parmi les musulmans. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين